Chapitre 10e, La Roche Noire. Pedro Diaz, stupéfait, furieux de l'étrange disparition des deux cavaliers, enfonça de nouveau les éperons dans les flancs de son cheval, qui précipita sa course. C'était une vaillante bête qui avait dans les veines le sang de cette race andalouse que les conquérants du Mexique introduisirent dans ce pays à l'époque de la conquête. En moins de 10 minutes, le Texien avait atteint l'endroit où ceux qu'il poursuivait s'étaient si brusquement et si étrangement dérobés à ses regards. Il trouva la route barrée par un rocher à pic de tous les côtés. « Caramba ! » fit-il. « Voilà qui tient du prodige, car ils n'ont pu gravir ce rocher. » Après avoir examiné et scruté en tous sens la montagne qui se dressait devant lui, il finit par apercevoir dans les interstices du rocher un de ces étroits passages désignés dans le pays sous la dénomination de canyon. « J'y suis !» se dit-il. « C'est le canyon d'Oripas, un vrai coupe-gorge, où quelques brandits embusqués pourraient, sans danger aucun pour leur peau, massacrer une troupe plus nombreuse que la nôtre. » Sur la droite du rocher, un massif sombre d'arbres résineux lui faisait, pour ainsi dire, une ceinture verdoyante. Ces arbres, plusieurs fois centenaires, s'élevaient presque jusqu'au sommet de la montagne. Ceci explique pourquoi la Roche Noire était presque invisible pour ceux qui marchaient dans sa direction. Pedro Diaz, pour être plus libre de ses mouvements, mit pied à terre, attacha sa monture à un arbre et s'engagea résolument dans l'étroit et obscur passage au fond duquel coulait un petit ruisseau. Il eut soin toutefois d'armer sa carabine dans l'éventualité d'une surprise. Le canyon était silencieux et désert, et le sol humide ne présentait aucune trace indiquant que des cavaliers y fussent récemment passés. « Corpo de Dios !» exclama l'ancien trappeur. Ceux que je poursuis ne peuvent cependant pas, à moins d'être sorciers, s'être évaporés sans laisser nul indice de leur passage. Si le canyon était étroit, il avait peu de profondeur. En quelques minutes, Pedro en atteignit l'extrémité et trouva devant lui une immense plaine unie et si complètement nue qu'il était facile de distinguer des cavaliers à 2 lieues de distance. Il prit sa longue vue et sonda l'espace. L'espace était désert. Alors il revint sur ses pas. Au moment où il sortait du canyon de Ripas, le duc Jean arrivait avec son escorte. « Eh bien, lui demanda-t-il, moitié sérieux, moitié railleur, as-tu rejoint tes deux cavaliers ?»« Le diable s'en est mêlé, répondit le Texien d'un ton dépité. Ils ont disparu ici comme si une trappe s'était ouverte sur leurs pas. »« Ils étaient mieux montés que vous, repartit Don José, voilà tout le sortilège. »« S'ils avaient traversé le canyon de Ripas, répliqua Pedro en levant les épaules, leurs chevaux auraient laissé des empreintes de pas sur le sol, et dans tous les cas, je n'aurais pas manqué d'apercevoir ces deux hommes au milieu de l'immense plaine qui s'étend au haut de ce maudit passage. Mon avis, ajouta-t-il d'un ton grave, est que nous devons cette nuit nous tenir sur nos gardes. Lorsque le jeune duc et son escorte eurent franchi le canyon, Don José proposa de faire halte. Le Texien, contre son habitude, se trouva cette fois d'accord avec lui. « Cet endroit me paraît en effet bien choisi pour établir notre campement. Adossé contre ce rocher à pic, avec la plaine devant nous, nul danger d'être enveloppé par l'ennemi s'il s'en présentait. Très logique, fit le duc Jean, et il donna l'ordre de s'arrêter. » Ce fut avec un sourire de satisfaction que le bâtard vit se dresser le campement dans l'endroit convenu avec Carmela. L'installation des voyageurs fut aussi facile que prompte. On lâcha dans la plaine les chevaux entravés, et l'on alluma de grands feux pour préparer le repas du soir. « Dans une heure, nous nous séparerons, mon frère, » dit Don José à Jean avec une tristesse habilement simulée, « et Dieu sait quand nous nous reverrons. »« Tu persistes donc à vouloir me quitter aujourd'hui ?» répondit le jeune duc. « Il me semble, si je t'accompagnais plus loin, que je n'aurais jamais le courage de m'en retourner à la hacienda, » reprit perfidement le bâtard. Jean, pour toute réponse, lui pressa affectueusement la main. Les apprêts du souper furent bientôt terminés, et les péones, après avoir mis rafraîchir les vases qui renfermaient les boissons dans le petit ruisseau qui coulait à la sortie du canyon, s'installèrent sur l'herbe autour d'un quartier de venaison dont le fumet flattait agréablement l'odorat. Les deux frères s'étaient placés à quelques pas d'eux afin de pouvoir causer en toute liberté. Le moment décisif était proche. Des gouttes de sueur perlaient au front de Don José. Le crime que lui avait conseillé Carmela l'épouvantait. Le remords le saisirait-il avant de le commettre? Oserait-il l'accomplir ?